sûr de Silo Hind à Brezonek. C'est l'heure de retrouver Hind à Brezonek. Bonjour, c'est Anne et Henri sur RKB pour Enter Brezhoneg. Alors comme d'habitude, on commence par Gary Warvue. Aujourd'hui, Trihan à Enterkan, Henri, c'est ça? Oui, voilà, 350. Déjà 350. Et donc, aujourd'hui, alors pour Gary Warvue, j'ai pensé, puisque on a parlé des noms, des pluriels de noms de personnes en yen ou en hen, hein, j'avais pensé parler de ceux qui sont en aide, parce que certains de ces noms sont en aide avec ED à la fin. Et alors ils subissent le même sort, si l'on peut dire, que les noms en yen, puisque en fait quand la lettre initiale peut muter, elle mute, hein, par exemple après l'article, hein. Donc c'est le seul cas les noms de personnes, hein, qui mutent après l'article au pluriel. Et donc, sous les mêmes règles, hein, la mutation adoucissante. Alors, je vais prendre quelques exemples, un petit peu dans les lettres. Et alors, bien sûr, si la lettre ne mute pas, ben, il ne mute pas, hein. Alors, on va voir un peu un petit alphabet de l'affaire. En A, par exemple, avocadet, des avocats, hein. Comme Saint-Yves, hein, le patron des avocats, hein. Saint-Yves était breton, avocat et non pas voleur, chose admirable pour le peuple. ce qui ne veut pas dire que tous les avocats soient des voleurs, mais c'est dans l'idée populaire, c'est un peu ça, c'est un peu comme les meuniers aussi, quoi. Voilà. Alors en B, par exemple, bon, le B il mute en V, hein. Breton neutre, on va dire, or vrai ton neutre, hein. On trouve ça par exemple dans le cantique Mammitronvari, hein. Mammitronvari à Mammor vrai ton neutre. Voilà. Un autre nom en B, par exemple, boulistet, hein, les boulistes. On va avoir Ørvulisted, hein. On a vu ça à Zantol, donc là, il y a le, hein, Strolad Ørvulisted, hein, l'association des boulistes. Alors, en C, le C d'ailleurs peut être, soit avec un, un H. Par exemple, un H, oui. Alors, par exemple, chouanet, c'est pas un mot qu'on emploie plus beaucoup. Ben non. Qui est, avant, autrefois, on l'employait pour parler des chouans historiques, ouais. Hein. Et puis aussi des gens, c'était un synonyme de réactionnaire, en fait, hein. Par exemple, il y a une chanson, hein, pardon de bulle à piscienne, on revend une chouanet, hein. Une bande de chouans, hein, voilà, chouanet, ça se dit plus beaucoup maintenant dans le vocabulaire politique d'aujourd'hui, chouanet, des chouans, hein. Un qui est marrant aussi, qui était dans une chanson à un moment donné, hein, le Bagadar, c'est CRS, hein. Hein, voilà, ah ouais. CRS, hein, donc des CRS, hein. C'est marrant, comment le breton, hein, ouais. Digère tout, hein. Voilà. Et puis un que j'aime bien et qui n'est pas un nom au départ, un nom de personne, mais qui peut le devenir, c'est Huil. Huil qui est un coléoptère en fait, hein. Mais on, par exemple pour un enfant, on va dire Hemzo Huil. Un fripon, ouais, voilà, un chenapan. Voilà. Alors en D par exemple, doctor, hein, c'était surtout un terme religieux d'ailleurs autrefois, hein, les docteurs de la foi en fait, doctor. Et plus que c'est, parce que médecin on dit médecine, hein, ou mézec, hein, c'était plutôt donc un docteur de façon générale, quelqu'un de savant. Et puis il y en a un autre, c'est pas un nom de personne vraiment non plus, mais ça l'est devenu, c'est Djaoulet, hein. Djaoulet, hein, un dune n'est que Djaoulet, hein, mais voilà, des diables, hein, des diablotes, hein, bon, Djaoulet d'Orméné, hein, mm-hmm. Voilà, en aide aussi. Alors en F, bon, pour certaines lettres, on trouve pas beaucoup, hein. En F, par exemple, il y a Furlukin, hein, qui est clown, hein, Furlukinet, hein, des clowns. Hein. Voilà. Il y a aussi un qui n'est pas très utilisé non plus, qui n'est plus très compris, c'est Fabricianet. Les Fabriciens, c'était les gens qui géraient les biens d'une église. Hein. D'accord. Voilà. Avant la loi de séparation de 1905. Mais par contre, qu'on va trouver, hein, souvent le nom des Fabriciens sur les édifices publics, les édifices religieux, je veux dire, on va trouver ça. Angers, par exemple, gendarme. Hein. Mmh. Alors beaucoup des noms que venus du français prennent un pluriel en ED comme ça. Hein. gendarmes. Alors il y a aussi les noms de des noms de peuples par exemple, hein, en i par exemple, italianet, un italianet, indianet, les indiens, hein. Les noms de peuples souvent sont en et comme ça. Hein. Bon, alors quelques autres, alors j'ai dit par exemple en m par exemple, alors on va avoir la mutation en v, musicianet, hein, les musiciens, musiciens, musicianet, hein. Voilà. Martelodet, hein, très très répandu, hein, les marins, les matelots. Vartelodet, hein. Veltuder Vartelodet, Musbale Derbe, la chanson de Jean Derrien là, hein, voilà. Medicinet, hein, donc Vedecinet, hein, on l'a dit tout à l'heure, les médecins. Voilà. Alors en cas par exemple Canfardet. Alors Canfard aussi c'est difficile, c'est des adolescents mais c'est aussi un peu, il y a un petit une petite idée de chenapan aussi, hein. Canfard, hein. Une bande de copains, quoi. Bande de copains. Canfard de droite, hein. Voilà. Il y a des noms de groupe. Un qui est assez marrant, c'est, les choristes. Alors, les choristes qui, en fait, sont des enfants de chœur, hein. Choristes, et ça donne, donc, au pluriel, leur, gaullistes, hein. Ou leur holistes, hein. Voilà. Donc, c'est assez amusant parce qu'il y avait des jeux de mots avec gaulliste, le français gaulliste, quoi. Voilà, il y a plusieurs histoires comme ça. Celtes par exemple, hein, celtes, hein. Alors Celtes les celtes. Voilà. Alors j'ai dit des noms de peuples, hein, par exemple Normanten, hein, les Normands, Occitanes, les Occitans. Alors un aussi qui est très très courant, un nom un pluriel en ed, c'est Potret, hein. Mm-hmm. Potret, donc là aussi, le P va donner un B en adoucissant, Potret. Alors, pour Meret, ça ne marche pas parce que c'est une exception, en fait, et on ne fait pas la mutation qui devrait avoir lieu, et on dit Meret, hein. Donc, Potret Meret, hein. Il y a une chanson, Potret Meret, c'est une onze blanévée. Mm-hmm. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ah oui, encore, par exemple, en S. J'ai des exemples un peu curieux. Sclavet, par exemple, des esclaves. Hein. Spagnolet, hein, un nom de peuple. Sosnec. J'ai pas pris justement cet exemple-là parce que pour les Anglais, il y a plusieurs formes. Il y a Rizos, Sozon. Donc c'est un exemple. On voit des fois des villages qui s'appellent Kersos. Kersos, oui, oui, voilà, hein, village des Anglais, quand même. Un que j'ai entendu l'autre jour dans une radio concurrente, Staret, des stars, hein, voilà, encore un mot digéré, hein, voilà. Socialiste, hein, évidemment, hein, bon. Des mots politiques comme ça, c'est souvent quand même des mots venus du français. Et puis on va finir par un mot également venu du français, touriste, hein, entouristen, hein. Entouristen, hein, l'office de tourisme. Ouais. Voilà. Et ben on va aller faire un peu de tourisme maintenant. Azantolac. Il fait tellement beau. Bon, ben donc deuxième partie d'émission, Brezhoneg temps matin. Thank you. Brézonnec temps matin. Henri, aujourd'hui dans Brézonnec temps matin, qu'est-ce qu'on va dire? On fait un petit tour, photo aérienne de Zantolo. Oui, c'est ça, parce que de temps en temps on fait ça, parce que l'idée de Brézonnec temps matin, c'est qu'on peut prendre à tout moment. Voilà. Donc on fait un petit rappel de temps en temps pour expliquer ce que c'est Zantolo, où ça se trouve, qu'est-ce qui s'y passe, mais en résumé. Pour en savoir plus, il faut écouter régulièrement. Ah oui, pour découvrir les personnages un par un, après. Voilà. Alors, Zell war Zantolek. Voilà. Zantolek is our barus de Skreisbreis. Vraiment, the wardro, père en adulte, au chôme ba Zantolek. Babarou Zantolek is our burk, à Deggeriaden. Warren Kalak, et mankar markal, keruel, à Kerizel. Bakar markal, is our stank. Stank arviligné. Bakarizel is our chapel quant. Warren Zan Nicolas aimant Kermark, Kerplouz, à Kermané. Warren Rostren aimant Kervern, à Rosker, Kernévé, à Kerblay. En tuel d'Arblavez aimant Plouderien. Babourg Zantolek eve cavet un ticker, un ilis, un skol, à Reversio, à Gostelleri Franchpenquat. Ba Kreis Arbourg aimant Placen Arbourg, vel juste. Armes kol koz, job ne delek, a zoet bremañ war eleve, met chomede prezident da gerridigez blenio Zantolek, a give prezident ar skipa imel droat. Ronan an du a zo mes kol, labourad ar rag an nolwen talek, ronan an du a zo nibian diwan an du, an aotrou person. Mai ne delek e grek job ne degelek. Mestres kol e oa, bremañ, eman war eleve. Jean-Louis Brice e ar Marshall, Drezan a ra ive ar veloio hag an otoioù ar vechou. Soaz e ivrek. Lou kermene ar barraer. Ivrek, mari kermene a zoet da VRS tri blaso. Pierre Malguicher e ar merkoz, pa kar mar kalman o chom. Iwan an du ar person. Kaz a du da level just a zo o chom ba Zantolek. Ma peus roan d'an aoutne, chilaouit bebzun, enterbrezonek. On reprend, phrase à phrase, ce petit tour de Zantolek avec Eri. Erzel war Zantolek, donc voilà. une petite vue. Un regard sur Zantolek. Zantolek azor barous de Skreisbreis. Voilà, Zantolek azor barous de Skreisbreis. Alors pour ceux qui cherchent sur la carte, c'est pas loin de Pommery, de Trémargat, Lanrivain par là. Oui, vraiment, The Wardro, père en adulte au chôme à Zantolek. Oui, maintenant, il y a environ 400 personnes qui habitent à Zantolek. Quand même. Ah oui. C'est plus gros que Trémargat et Pommery. Oui, ça se repeuple. Ah oui. Babarou Zantolek, à Zor Bourg, à Deggeriaden. Voilà, donc dans la commune de Zantolek, il y a un bourg et 10 villages. Warren Kalak et Mankar Markal, Keruel, à Kerizel. Voilà, alors là, bien sûr, pour bien voir, il faudra voir la carte. Peut-être qu'on va mettre ça sur le site de ces jours. Oui, bien sûr, ça, sur Internet. Voilà, les gens pourront regarder la carte. Donc, sur la route de Kalak, il y a Kermakal, Keruel et Kerizel. Bah, Kermakal, Azor, Stang. Oui, Kermakal. Stang, Arviligné. Il y a un étang, c'est l'étang du moulin, puisqu'il y a aussi un moulin, et un meunier d'ailleurs. Ah oui. Bah, Kerizel, Azor, Chapelle Grande. À Kerizel, il y a une belle chapelle, c'est la chapelle Saint-Hernin. On a été au pardon il n'y a pas longtemps. Oui. Warren Zan Nicolas et Mankermark, Kerplouz, à Kermané. Oui, Warren Zan Nicolas, Mankermark, alors il y a Kermark, Kerplouz et Kermané. Warren Rostren et Mankervern, à Rosker, Kernévé, à Kerblay. Voilà, sur la route de Rostronin, il y a donc Kervern, Rosker, c'est-à-dire le vieux village, Kernévé, c'est le contraire, le village neuf, à Kerblay, le village du loup. En tuel d'Arblavez et Plouderien. Alors, de l'autre côté du Blavet, il y a Plouderien, qui est comme une voisine, un peu rivale. On va de temps en temps faire un tour. Le moins possible. Babourg Zantolek, avec Cavet un Ticker, un Ilis, un Skol, à Reversio, à Gostelleri, Franchpenquat. Voilà, donc dans le bourg de Zantolek, on trouve la mairie, bien sûr, l'église, l'école, les commerces, et bien sûr, le bistrot de Franchpenquat. On était allé aussi. On est allé aussi, oui. Va Kreis Arbourg et m'en place en Arbourg, belle juste. Voilà, au milieu du bourg, il y a la place du bourg, bien sûr. Armes kol koz, chovne delek, azoet bremañ war eleve. Ouais, alors là, c'est Armes kol koz, c'est pas le vieux maître d'école, c'est l'ancien maître d'école. Comme on dit, un maire koz aussi, l'ancien maire. Armes kol koz, chovne delek, Il est maintenant à la retraite, ou à Rilévé. Hein. Pour l'ancien mari, on dirait à Guasco. Non. Un ex. Metcho Mede, président de la Gevredigues Blognoz Antolek, voilà. À Givé, président Arskipa Imel Droite. Oui, alors il est resté président de l'association Blognoz Antol, et les fleurs de Zantol, quoi, hein, dont on parle souvent, et aussi président de l'équipe de foot, Skipa Imel Droite. Renan Du, à Zomé School. Voilà, Renan Du, c'est le maître d'école. Laborara en Nolwenn Talek. Voilà, il travaille avec Nolwenn Talek, la jeune maîtresse d'école. Voilà, c'est deux jeunes maintenant. Renan Du, à Zoni Bin, Dimon Andu. Oui, notre personne. Alors, Renan Du, donc l'instituteur, c'est un petit-neveu du recteur. Maïne Delek et Grec Job Nedelek. Alors, Maïne Delek, c'est la femme de Job Nedelek. Mestre-Skolewa, vraiment, et Mawar Ilévé. Ah, Mestre-Skolewa, elle était maîtresse d'école, elle était institutrice. Maintenant, elle est aussi en retraite. Jean-Louis Brise et Art Marshall. Voilà. Alors, Jean-Louis Brise, c'est le maréchal Ferrand. Dresanra Ié à Veloyo, à Ganotoyo, à Vécho. Dresanra Ié à Veloyo, il répare aussi les vélos à Ganotoyo, à Vécho. Les voitures aussi, quand il n'y a pas trop d'électronique embarquée. Soaz et Ivrek. Soaz et sa femme. Louis Kermene et Arbarar. Voilà, Louis Kermene et Arbarar, puis leur boulanger, hein, c'est le boulanger. Alors, Ivrek, Mike Kermene, Azoet de VRS, Triblasso. Voilà, sa femme, hein, Mike Kermene. Et alors, si on traduit littéralement, c'est être allé mairesse, hein, enfin maire. Être allé maire, mais c'est le féminin, il y a 3 ans, dernières élections, là. Pierre Maguichère et Armercos, voilà. Qui a remarqué le manchum. Alors, Pierre-Marc Guilcher, c'est l'ancien maire, hein, Mercos. Pierre-Marc Almanchon. Iwan Andu, Arperson. Alors, Iwan Andu, c'est toujours le recteur. Je pense qu'il va faire 50 ans à Zantol, celui-là. S'il se plaît. Ah ouais. Calza Dudel, Veljust, Azo Chom, Zantol. Il y a encore beaucoup d'autres personnes qui habitent à Zantol. Ma Pesroan Danoutne, Chilawit Bebzun, Hendar Brezon. Voilà, si vous voulez les connaître, écoutez chaque semaine. C'est de la pub, quoi. Ah bah oui, carrément, ah, carrément. Bon, eh ben on va continuer, on va écouter Petra Zonevervro maintenant. Alors, Eri, Petras o neve ur vro. Kalz a draou zo neve ur vro bouer vej diouzan. Met ur vej m'en vo un labad an ispisi a l'antan pudur ne gomzin ke na deus e labour douar, na deus e nendro, na deus e politik erez, na deus e ekonomiez, met deus e sevenadur. Pudur zo kalz a draou de l'ar douar an dachen ze. Un deel peve komz e deus e sevenadur a oa echu ba douar nenez ur edad a gevid ar brezonek. Ou à l'air 1050 km de Hinchou ou à Hinchou Breiz. À Kalz du de Zobé do Haloupa de Vidan Brezonek. À Gouelius au Bégret, Heta Hit, de Zenense. hag un drager e virion e gwell eut pes amozo e tom eur vretonet deus amzor deus on o yez hag oz evenadion. Kalz draouz o bet ginnig eut ivez pe vant komz deus gwellio evit gwell breiz. O neuvet blavez yo zo oa bet zavet ze e breiz a vije komz eut deus gwell er oan pe dior ze zo un dro deus an der oan de nantaget de wizmei. Mais Bromont veut comme une mûre de Gwell Braise. À Gwell Braise, au bête, on tombe un peu blair à Braise, à même se l'air, elle peut dire. Mais Gwell, au bête, à New York, à Tokyo, on tombe un peu blair, voir leur bête, trop qu'il n'y a de vie de Gwell Braise. Hendel, très yaou basque, à Zul de Waller, ou à Gronvel, Gwell and Drugen Gaul, à Calze d'une Zobed, hein, et non, clé de Shiloh et de son air scare, hein, son air de Glarinetten. Hag deus ul de beur e evel kustum oa honkour oa a blasen, hag ur maout zo et gant ur zon ur yaouang, Fred Miosek, hag un eibri zo et gant Olivier Urvoi, hag ulven Malrieu. Hag enan oa o strolatu yaouang deus naounet, tud o tiskizon gant e glarinetan hag meuskav et ze ker spontus, ze zo plijus gwell tud yaouang o son gant e glarinetan adis. Mais pen vit tud yaouang zo, pudur oa yasan goigan, hein, zo a isla a perugen, hag an eus kaset an dibunad hag gant tout eus an erien, zi kouret gant Jean-Claude Lele, hag milardar zo bet plijad dior. Bon, ne oa ket gwall bra an amzor, an desse, met bon, me meustram deus ket beglo bra, c'est une, ne oa ket rival me meustram. An deel oa ba plourar, or gwell an inor de Louis Lalour, hag Louis Lalour zo kand ur kand a diskand hag zo ran avet mat bavro, Hiss o krog de gant o degla a trugen zo, ban o tena de pato ou pa de brezel. Hag oa l'air neus bet kant gant kalze dud, hein, vel gant Robert Bizian neus kant eut ben blau ar nugen. Hag gant bremañ gant tud yo ankor vel Marie-Claire hor, kant neus gant Yannick Larvor, gant Yannick Ebrel, bon. A kalze dud zo bet, hein, meus anglo a spet perran le dud, hein, ba fez noz. Un inor de Louis Lalour. Un éveso et aide de l'an une Angélique Guyossou, ou au chom battre malgat, puis Angélique Duigou m'avait l'art de y han ou ne plare rejet, hag ou a han avet mad bavro, va pur ud l'an mou a grande, da battre malgat, la roi chom pelzo. Hag Angélique, ou abe den rol, pou abe gret de kazeteno ur vropline, pempla a trugen zo, pempla a tregon zo, nan ye, des ketien ko, se me sera, hag kiniger amdar, ma peswan, chila ou enan tom, tom trou be konte gante, konterai e gontaden oa pod i vaz houarn, a gontaden hir tre, ne bon glem ke tout de gontaden, me on tom bien vid hat chila ou ad mouez Angélique Biosou. Na han chaite tare da mo yone wa mo i me ben fin wa kedar han chin ag no so vesh penak wa yai ban hwat a kaya ni mai monta mon kan hwat ba hwat wa me wa want you cut the gold and two don mes in da habit a bit de op tri de hont a velan ke na skleri je na man vit na hin pin we selam bom had na buik wa je ba mosa nim set nim tap dam Ben fi ma pio ad non sa gi remag o gole o tel de tel a yo gole a jo se la zo un dram nek popet mem ke me mon sa la ma gole o a gi hon me pel wan was to se me bopet ben fi mo me dai a wan gai va tal o portai a go va go pez ma go ruvel a ten wa ga na wa portai a la rein ske me a go wa o gole na go lo de zo Agi de jesho a gordon, ag a lort zon, met ke ani war lort zon de dini bit jour in orde. Me pe dur wanki nanki rio lande du de petit kin kan ivel wanki gwasse de o lai nis nus ke de me d'antren, pe dur neke dalge de noor ben antren. Agi hantren a treuji o pors. Ag a il war o don pan ki, o pis don rara o lort pato no a. Agi de zon bopet, Ga je bent papa een zoor en der. Zo moet je dan bien met papa la. Ik ben entriant papa. Ik ben bij van tien. Ik ben met de mondbaas papa. Agi. Mondbaas. En want je aai van een zaal. En bij zaal zo wou een dool. Een dool hier mat. En wou een dool wat Pieter Skwella zoeken.